obsédé, obsédé, je suis complètement obsédé, obsédé, je suis obsédé, obsédé, je suis complètement obsédé. J'suis obsédé par les femmes bisexes, les femmes qui se caressent puis qui se poignent les fesses, les femmes qui se touchent, qui se roulent la bille, les vrais nymphomanes qui parlent en vrille. Yo, j'suis obsédé par les femmes fontaines, celles qui viennent, pis les lesbiennes. Yo, les films de cul, moi je les ai toutes vues. Tu pourrais même me prendre pour un sale trou de cul. Mais j'suis un sale pervers, j'suis un homme, j'm'assume. Même s'il y a plein de femmes, je les prends une par une. Que tu sois toute nue ou en déshabillé, moi je te prends comme une bite car je suis obsédé. J'aime les fesses bombées, les petits décotés, les vraies femmes chaudes, men qui aiment baiser. Pas les grosses toutes trembles, toutes décollissées. Une femme stylée, prête à se déshabiller. Obsédé, je suis obsédé, obsédé, je suis complètement obsédé. Obsédé, je suis obsédé, obsédé, je suis complètement obsédé. Genre de gars qui sort sa bite devant tes parents. Ton père y a un complexe, pis le pire là-dedans c'est que je trouve ça marrant. Je vais chez mes beaux-parents pour tout aller vider dans le frigidaire. Je laisse la baraque en feu, pis je me tape leur fille dans le cimetière. Après un heure dans ma chambre, tu finis sur une civière. Me suce la queue pendant que je bois ma quille. Moi je la mets dans le cul pendant que casse ma quille. Yo, et clean mon ex comme les vieux Kleenex. Quand on prend le contexte, j'aime les chiennes en laisse. Si j'ai baisé avec toi, c'est pour le numéro de ta cousine. Tu sais qui, si, c'est toujours la même routine. Moi je suis un obsédé, en plus j'adore les rookies. Hostie, tu sais que t'es conne. Hostie, tu sais que t'es bonne. En haut, les t'es une cochonne. So I was late, j'mets à ton jump. Hostie, tu sais que t'es conne. Hostie, tu sais que t'es bonne. En haut, les t'es une cochonne. So I was late, j'mets à ton jump. Obsédé, j'suis obsédé, obsédé, j'suis complètement obsédé, obsédé, j'suis obsédé, obsédé, j'suis complètement obsédé. Check la porn comme un compulsif. Mon but c'est d'être toujours plus stiff. On me compare à Stifler quand je la sors en public. J'peux pas m'empêcher de montrer mon pubis. J'aime les boules, les chattes, les cuisses, les culs, les belles petites femmes, rasées ou poilues. J'suis un pervers de la pire espèce. Viens pas me voir si t'as veux pas des fesses. J't'addique des films pis des sites porno. J'espère que tu fais ce qui est sa photo. Mon jouet est toujours prêt à devenir plus gros. Des fouets amène-les pour plaisir ma zone. Tu parles de sexe, je suis animal. Tu veux du sexe, façon bestiale. Tu parles de sexe, de tes génitales. Tu veux du sexe, c'est trop génial.